Hey, bon matin, Jean-Nic. Bien sûr, comment allez-vous? Oh, pire, toi, je vais commencer ça raide à matin. Tu l'as déjà peut-être entendu, mais vu qu'on va parler de radio, je veux te faire entendre ou réentendre, mais je veux t'entendre là-dessus, toi aussi. Amir Kadir et les radios, il a dit ça en commission parlementaire. Puis il était déjà venu ici, Jean-Nic, en onde, en nous disant en joke, « Ah, faudrait nationaliser Radio X. Ouais. » Mais je pense que c'était pas une farce. On va entendre ce qu'il a dit, Amir Kadir. Vous venez ici, vous prônez, je sais pas d'où ce que vous sortez ça, d'éliminer des radios commerciales qui sont, qu'on partage ou non les opinions, c'est des entités légales. C'est, il y a beaucoup de gens ici qui écoutent ces stations de radio-là. Monsieur le député de Mercier. Ben, pour rassurer mon collègue de la CAQ, je voudrais dire, puis attendez au moins que Québec solidaire arrive au pouvoir avant de considérer la fermeture ou pas des radios poubelles. Puis je vous promets qu'on va organiser une audience publique et une participation, une réflexion collective sur comment certaines radios abusent de leurs droits de diffusion et alimentent le mensonge et la désinformation. Es-tu fier, Jean-Nic? Tu travailles sur l'île de Montréal. Ouais. C'est un de vos députés. C'est un gars de votre gang, ça, Jean-Nic, là, Amir Kadir. Mais, là. Amir Kadir, là, ça rappelle toujours qu'il peut jamais être un homme d'État. Là. C'est un impétueux, c'est un éternel frustré. Là, il y a deux choses qui motivent sa déclaration d'hier. La première, là, c'est qu'il rencontre du monde dans sa base militante qui chiale après Radio X. Là, hey, Radio X, il vomit sur la gauche, blablabla. Puis là, Amir Kadir, là, il se dit, je vais porter votre message. Puis l'autre enjeu, d'après moi, à l'entendre parler, là, qui pousse Amir Kadir à dire des sottises du genre, c'est parce qu'il est en chicane avec Éric Duhem. Qu'il est encore fâché après Éric qui dit que Amir Kadir fait progresser un agenda islamiste. Mais c'est quoi la chicane encore? C'est ça, ils s'en veulent encore? C'est quoi l'histoire, oui, là? Oui, mais l'histoire des souliers, sont... là? C'est quoi? Oui, l'histoire des souliers. Ah. Mais, regarde, c'est évident que quand Amir Kadir parle de mensonges puis tout ça, il s'adresse indirectement à des propos qu'Éric a déjà tenus. Okay. Puis, il veut encore faire valoir son agenda personnel pour devant la cause puis des entités légales que sont les radios au Québec. Il est prêt à fermer une radio parce qu'il est fâché contre Éric. Ben oui. Puis tu me rappelles l'histoire des souliers, là, du vendeur de souliers israélien sur Saint-Denis. T'sais, ça s'ajoute encore. Le personnage, on le connaît de plus en plus. Là. T'sais. Puis, je te dis, c'est pas... C'est pas anodin venant d'un chef de parti politique quand même. Là, là je comprends qu'il est plus chef, là, mais... Député, pareil, c'est un élu de l'Assemblée nationale. Tu sais qu'un gars remette en question des radios là, qui ont un droit légal, là, c'est pas banal. Mm-hmm. Et moi, je te dis, quand tu l'entends dire ça à Mercadier, tu dis, une chance qu'ils prendront jamais le pouvoir. Ben, une chance.